gratte chèvre que mal gît. Tant va le pot à l'eau qu'il brise, tant chauffe-t-on le fer qu'il rougit, tant le mailleton qu'il se débrise, tant vaut l'homme comme on le prise, tant s'éloigne-t-il qu'il n'en souvient, tant mauvais est qu'on le déprise, tant crie-t-on Noël qu'il vient, tant crie-t-on Noël qu'il vient, tant parle-t-on qu'on se contredit, tant vaut bon bruit que grâce acquise, tant promet-on qu'on s'en dédie, tant prie-t-on que chose est acquise, tant plus est cher et plus équise, tant l'acquiert-on qu'on y parvient, tant plus commune et moins requise, tant crie-t-on Noël qu'il vient, tant crie-t-on Noël qu'il vient, tant aime ton chien qu'on le nourrit, tant court chanson qu'elle est apprise, tant garde ton fruit qu'il se pourrit, tant bat ton place qu'elle est prise, tant tarde-t-on que faut l'entreprise, tant se hâte-t-on que mal advient, tant embrasse-t-on que chez la prise, tant crie-t-on Noël qu'il vient, tant crie-t-on Noël qu'il vient, tant raille-t-on que plus on en rit, tant dépend-t-on qu'on a chemise, tant est-on franc que tout y frit, tant vaut tient que chose promise, tant aime ton Dieu qu'on fuit l'église, tant donne ton qu'emprunté convient, tant tourne vent que chez t'embise, tant crie ton Noël qu'il vient, tant crie ton Noël qu'il vient. Prince t'envie que folle s'avise, tant va-t-il qu'après il revient, tant le maton qu'il se ravise, tant crie-t-on Noël qu'il vient, tant crie-t-on Noël qu'il vient, tant crie-t-on.